Ça, c'est le signal de départ, ça. Le grand départ. C'est pas une musique d'extraterrestre, c'est une musique de terrestre extra. Alors, on a quelques petites secondes pour vous faire quelques annonces. D'abord, vous faire savoir que la prochaine conférence de Daniel Kemp, ce sera vendredi le 17, et que le titre en est « Non aux hommes de bonne volonté ». Qu'à l'achat du billet aujourd'hui pour cette prochaine conférence, vous pourrez avoir gratuitement la cassette de la première partie de ce présent entretien. Également que les noms des conférenciers du prochain symposium sont connus. Il s'agit de Roger Drolet, l'animateur sympathique de CKVL, Dominique Toupin, c'est une jeune femme, Daniel Ménard et Daniel Kemp. Ça, c'est le dimanche 26 janvier. C'est un symposium sur la conscience supramentale, rencontre avec des hommes nouveaux. Les billets sont disponibles également. Et ce soir, il va être question, en compagnie de notre ami Daniel Kemp, donc vous avez pu suivre les périples et les aventures sur les antennes de CKVL en compagnie de Roger Drolet, pour certains jusqu'à 5 heures du matin, de minuit jusqu'à 5 heures, ça c'est généralement dans la nuit du mercredi au jeudi. Alors ce soir, il est question du travail planétaire. Alors je pense qu'il s'agit un peu de considérer les nations en tant que personnalités différentes. Vous savez que chaque nation a une certaine forme de personnalité. Quel est l'intercontact? Quelles sont les sources auxquelles on peut puiser en voyageant dans certains pays? Dans quel éther on peut se tremper? Et pour quelqu'un qui, comme Daniel Kemp, a entrepris de travailler à l'échelon planétaire, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de chômeur. Alors on accueille sans plus tarder maintenant Monsieur Daniel Kemp. Alors Daniel, tu as entrepris de nous parler du travail planétaire. Est-ce qu'il y a un lien dans le titre de cette conférence avec ton récent voyage au Pérou et en Amazonie? Effectivement, le voyage que j'ai fait en compagnie de cinq professeurs du PMC avait une relation étroite avec le travail planétaire, chose sur laquelle on va pouvoir s'étendre un peu ce soir. Ce soir, on peut parler du travail planétaire. Lors des dernières conférences, certaines personnes avaient posé des questions sur ce qu'on avait fait ou sur ce qu'on nous avait fait faire. Et chaque fois, je répondais que je ne pouvais pas en parler parce que ce n'était pas le temps. Le voyage étant intégré au maximum qu'il peut être intégré par les personnes qui l'ont fait, alors ce soir, on va pouvoir aborder différents mécanismes de ce voyage sans risquer de perturber l'intégration des événements par les personnes qui l'ont fait. Alors, oui. Pourquoi le Pérou à ce moment-là? On ne savait pas Pérou aller. Et puis, c'était donc tout désigné. Bon. Il faut apprendre. Il faut savoir des choses pour comprendre complètement les mécanismes qui régissent le travail de la planète. La majorité des êtres humains ont appris intellectuellement qu'ils vivaient sur une planète qu'on appelle la Terre, qui est approximativement ronde. Maintenant, peu d'entre vous ont réellement la conscience d'être sur une planète et d'être sur quelque chose de rond. Un jour, j'étais avec des scouts, des éclaireurs, dans un des parcs du Québec, au nord, dans les Laurentides, et on était sur le haut d'une immense montagne, près d'une espèce de grande faille, et le soleil allait se coucher. Et puis, l'un des jeunes me fait remarquer que le soleil va se coucher. Alors moi, je lui dis, ce qui est intéressant, c'est pas que le soleil se couche. Ce qu'il faut bien essayer de comprendre, alors c'est des éclaireurs, c'est d'entre 12, 13 et 14 ans, c'est que le soleil ne se couche pas et ne se lève pas. C'est qu'en réalité, la planète Terre tourne. Et lorsqu'elle tourne, le soleil donne l'impression de voyager dans le sens opposé à la rotation de la Terre. Alors, ce qui fait que présentement, le soleil étant à l'ouest, en réalité, si on dit que le soleil est en haut, ou si on dit que le soleil est en face de la Terre, si le soleil est à l'ouest, c'est que l'être humain est complètement à l'opposé. Alors, il ne voit presque plus le soleil. Et d'ici peu, la Terre continuant à tourner, l'être humain se ramasse, disons, en dessous. En réalité, la Terre tourne dans ce sens-ci. Le soleil tend à disparaître. Si on place le soleil à l'endroit où est mon micro, J'explique ceci parce que, même si ça a l'air enfantin, c'est les choses enfantines, justement, qui souvent amènent ou devraient amener l'homme à ce genre de conscience. Si la Terre est le micro, je suis placé sur la planète Terre. Lorsque le soleil va se lever, je vais apercevoir le soleil. Et continuant à tourner, le soleil arrive au midi. Continuant à tourner, le soleil dit, on dit qu'il se couche. On fait des tours continuels sur cette planète Terre à chaque journée. Et on fait des tours, la translation autour du soleil, à chaque année. Et le soleil lui-même tourne. Et dans cette voie lactée qui est notre galaxie, ça tourne aussi. Le travail planétaire se fait par des individus qui sont soit manipulés par des êtres qui ont une conscience planétaire, soit par ces êtres-là eux-mêmes. Qu'est-ce que chaque continent, qu'est-ce que chaque nation? Pourquoi arrivons-nous à délimiter politiquement un territoire géographique et à mettre un drapeau pour pouvoir représenter l'égrégore même de la nation, c'est-à-dire la psychologie collective de la nation? Depuis que l'homme a entrevu la possibilité d'évoluer, c'est-à-dire de s'améliorer, il y a plusieurs formes d'évolution. Il y a l'évolution matérielle, il y a l'évolution psychologique, il y a l'évolution spirituelle. L'évolution matérielle, psychologique et spirituelle ont le même leitmotiv, le bonheur, la sécurité, la paix. Ou si vous préférez, la fuite des souffrances, la fuite de la guerre, la fuite de la douleur. L'homme doit arriver à cette conscience planétaire. Et tous les mécanismes de gestion de l'évolution des nations font en sorte que l'homme, individuellement et collectivement, arrive à sentir, à percevoir qu'il est un être planétaire, qu'il est l'habitant d'un vaisseau spatial, qu'il est dans l'espace. Non pas pour que l'être humain sache qu'il est petit. Absolument pas. Pour que l'être humain prenne conscience du cadre dans lequel il évolue, en prenant conscience, il va arriver à contrôler ce cadre, comme on l'a fait avec la matière, et il va découvrir qu'il est beaucoup plus grand qu'il l'a toujours cru. La Terre. La planète Terre émet des courants d'énergie. Ésotériquement, on appelle cette énergie de l'énergie vitale d'ordre tellurique, c'est-à-dire terrestre. Par comparaison à l'énergie vitale d'ordre solaire, celle qui vient de l'extraterrestrialité planétaire, c'est-à-dire celle qui vient du Soleil, de d'autres planètes et de d'autres soleils, les énergies cosmiques. Cette énergie vitale terrestre, est-ce qu'elle existe? Alors, ésotériquement, on sait que oui. Scientifiquement, on l'aborde. On parle d'un champ magnétique. L'énergie vitale est très similaire à un champ magnétique et l'énergie vitale de la planète Terre a des correspondances avec un champ magnétique tout en étant beaucoup plus puissant. Un champ magnétique, donc, un champ d'attraction, un champ qui aime, qui attire. La boussole est attiré par ce champ d'énergie vitale. Mais c'est une des plus faibles expressions des énergies telluriques planétaires. Chaque territoire, chaque continent, chaque géographie, donc chaque pays, émet une énergie vitale tellurique différente. Ce qui automatiquement fait qu'une personne qui vit dans un pays aura une conscience, aura une psychologie, aura même un corps physique différent qu'une autre personne qui vit dans un autre pays. Alors, on peut voir apparaître des races. Des races, non pas comme les races ésotériques, lorsqu'on parle de la cinquième race mère, la race blanche. Blanche, race neurologique et non pas race cutanée. Lorsqu'on parle de la sixième race mère, celle qui est en train de naître, au Québec en particulier, la race bleue, non pas bleue cutanée, bleue neurologique. Lorsque nous parlons des races telluriques, nous parlons des races comme les Mongols, les Chinois, les Japonais, les Canadiens, et même les Québécois, les Français, les Anglais, les Argentins, les Pérouviens, etc. Qu'est-ce qui fait que d'une nation à une autre, on a une race légèrement différente ou totalement différente? Qu'est-ce qui fait que l'Allemand est différent de l'Anglais? Qu'est-ce qui fait que le Jamaïcain est différent de l'Américain? Alors, on va dire que le Jamaïcain est un Noir. Il est totalement différent de tous les Noirs, que ce soit des Noirs d'Haïti, que ce soit des Noirs de l'Afrique. Qu'est-ce qui crée ces tendances à la diversion? L'énergie tellurique qui sort d'un endroit. On connaît des régions particulières sur la planète Terre qui émettent énormément d'énergie tellurique. On a en Écosse un endroit qui est connu sous le nom de Finorm. On a aussi au Québec quelques régions qui en émettent. Je ne les nomme pas parce que certains pourraient s'y garocher. Et ça serait une perte de temps. On a d'autres régions. Certains peuvent penser au triangle des Bermudes. Certains peuvent penser au triangle du Pacifique, au triangle des mers du Japon, dans la mer de Chine, etc. L'énergie vitale, elle est connue de l'homme, d'une façon inconsciente pour la majorité des collectivités. Qu'est-ce qui fait que le grand monarque est capable à chaque année, depuis des milliers d'années, de partir du Québec et du Canada pour immigrer vers le Mexique? Oh, évidemment, je parle du grand monarque, tout le monde est perdu. Je parle du papillon, le monarque, le grand monarque. Le papillon orange qu'on voit ici, qui vit une dizaine d'années. Je ne parle pas du grand monarque ésotérique. Évidemment, vous aviez compris. Donc, ce grand monarque, comment fait-il pour partir d'ici et se diriger sans jamais se tromper vers les mêmes terres? Comment fait l'outarde? Comment font tous les oiseaux migrateurs qui partent d'une contrée dans une certaine époque et se dirigent mieux qu'un avion d'un endroit à un autre, et même jusqu'en hémisphère sud? Comment font les baleines? Comment font tous ces animaux qui n'ont pas rien d'électronique, aucun radar, rien pour les guider, pour être capables de suivre sans cesse les mêmes chemins? Et lorsqu'un courant d'énergie vitale est perturbé, ça fait que des centaines de baleines vont s'échouer sur une plage. Ça fait aussi que les outardes vont immigrer vers le nord à l'automne au lieu de se diriger vers le sud. Ça crée beaucoup de problèmes apparemment inexplicables par la science conventionnelle. Il est évident que dans certains cas, la pollution de l'eau peut obstruer certaines régions, certains orifices des baleines et empêcher ainsi la captation de ces énergies. Jusque-là, la biologie scientifique se rend. Les oiseaux, les baleines, les animaux vont se mettre sur ce méridien d'énergie vitale qu'ils connaissent bien de par leurs vibrations propres. Alors une baleine suit une énergie vitale qui est perceptible par elle, tandis qu'un outarde va suivre un autre genre de canalisation vitale ou de méridien. Lorsqu'elle est dessus, elle n'a qu'à se laisser guider. C'est-à-dire que lorsqu'elle en sort, elle le sait, alors elle revient. Elle fait comme l'avion. Je te vois scribouiller, tu as peut-être une question. Je voudrais savoir, moi, si tu peux répondre à cette question-là, pourquoi les civilisations se déplacent vers l'ouest continuellement? Est-ce qu'il y a un rapport avec ce que tu nous expliques? Les migrations des civilisations sont régies par les migrations des énergies telluriques. Lorsqu'une énergie qui appartient à une civilisation se déplace, la civilisation se déplace. Alors, c'est ce qui a géré les migrations humaines partout sur la planète. C'est ce qui a permis la colonisation par le nord du Canada et des États-Unis. C'est aussi ce qui a permis la colonisation par le sud des Amériques, Amérique centrale et Amérique du Sud. C'est ce qui a permis l'extension d'une conscience tellurique psychologique propre à une région géographique à l'échelle de la planète. Les énergies se dirigent continuellement vers l'ouest à cause de la rotation de la planète Terre. Et on sait aussi que les continents grouillent et bougent. Mais les énergies telluriques ne sont pas nécessairement reliées au sol du continent. Elles transparaissent sur le continent ou dans un pays particulier. Mais étant donné la rotation planétaire, ces énergies prennent un recul. Alors automatiquement, elles se dirigent vers l'ouest et les êtres humains ont une tendance innée à se diriger, c'est-à-dire à être aspirés par les énergies. Là où la Terre a des bouches, là où elle peut parler à l'homme, l'homme se groupe. Là où l'énergie tellurique sort le plus de la planète Terre, là, l'homme va se grouper. Mais hélas, ces bouches sont les failles sismiques. Alors automatiquement, l'homme va construire la majorité de ses nations dans des régions où on rencontre énormément de tremblements de terre. Lorsque l'homme est capable de s'éloigner des bouches, c'est que l'homme commence à être suffisamment conscientisé planétairement, donc il n'a plus besoin de se rapprocher de cette sortie d'énergie vitale. Lorsque les Romains ont commencé à étendre leur pouvoir, lorsque Genghis Khan et Kubilai Khan, les Mongols, ont commencé à étendre leur pouvoir, lorsque les Espagnols, les Portugais, lorsque les Anglais et les Français ont voulu étendre leur pouvoir, lorsque une religion, quelle que soit la religion, que ce soit l'islam aujourd'hui ou que ce soit le catholicisme de l'époque, est prête à faire des guerres pour étendre son pouvoir, qu'est-ce qu'il veut faire ou qu'est-ce que le pays conquérant veut faire? Qu'est-ce qui génère chez l'homme cette quête? L'homme va migrer parce qu'il se sent mal, parce qu'il perd de cette énergie vitale, alors il va se diriger là où l'énergie vitale se dirige. Si pour cela il doit entrer en guerre contre une nation qui ne veut pas partir, il le fait. Mais l'extension de la conscience se fait de plus en plus chez l'homme. Et l'homme s'adapte psychologiquement. Alors automatiquement, lorsque l'homme découvre une contrée qui lui plaît, c'est qu'énergétiquement, vitalement, le décor, le paysage, les ondes de forme entrent en résonance avec lui. Pour étendre son schéma de conscience, il conquit. Il va encore se mettre en quête. Il va conquérir ses terres par la force, étant donné que ceux qui sont là ne veulent pas partir. C'est intelligent, c'est normal. C'est incompris par la majorité de l'humanité. On recherche la paix. Pour avoir la paix à l'échelle planétaire, il faut obligatoirement que toutes les énergies d'ordre tellurique qui créent une conscience particulière chez l'homme qui habite cette énergie puissent être mêlées à l'échelle de la planète. Alors automatiquement, on pourra voir naître un peuple planétaire qui n'aura plus besoin de restrictions nationales politique et militaire. Présentement, la race italienne a un égrégore très propre à elle. On connaît aussi le patriotisme français et américain. Lorsque ces drapeaux auront tombé, non pas par la guerre, lorsque les énergies qui permettent à l'homme d'être planétaire seront suffisamment répandues à l'échelle de la planète, soit par la migration créée par les guerres, donc par les fuites, soit par le voyage de l'homme à l'échelle de la planète. Et lorsque ces énergies seront suffisamment mélangées, on pourra assister à la naissance d'un peuple qui pourra alors être géré par un gouvernement. Il y a donc, si je comprends bien, il y a des pays qui sont plus ou moins dévitalisés et d'autres qui sont régénérés ou vitalisés. Donc les hommes, par affinité, se retrouvent sur ces territoires-là ou se sentent mus pour aller sur ces places-là, pour se revitaliser peut-être. Maintenant, comment se fait-il qu'il y ait des peuples qui soient à caractère agressif et expansif, puis d'autres qui sont plutôt pacifiques? Est-ce que c'est encore en rapport avec les courants telluriques, ça? On a deux formes de courants qui viennent manipuler l'homme. Il y a évidemment un courant qui est d'ordre psychologique, donc d'ordre astral, la conscience collective, qui peut aussi être appelé le ciel dans l'antique religion. Et on a évidemment les ordres, les énergies telluriques et les énergies solaires qui tendent aussi à former le corps de l'homme, donc qui vont obliger l'homme à réfléchir, c'est-à-dire à entrer en contact avec des énergies soit spirituelles, soit supramentales, d'une façon particulière. Lorsque une énergie vitale est d'ordre extrêmement basse au niveau de sa vibration, cela va générer des êtres humains qui seront aptes à conquérir d'autres formes d'énergie vitale parce qu'ils auront besoin d'énergie vitale plus évoluée, donc plus vibratoire, pour pouvoir arriver à comprendre ce qui leur arrive, donc à se rapprocher de ce que l'homme ancien appelle le bonheur. Tandis que les pays où une énergie vitale vibre hautement, n'a pas besoin d'aller conquérir un pays où l'énergie vitale vibre bassement, parce que le conquérant, ils vont perdre en énergie, donc ils vont évoluer. C'est-à-dire qu'ils vont se diriger vers le malheur. Alors, on a donc des races qui, de par leur géographie, vont se sentir confortables dans la guerre, tandis que d'autres races, de par leur géographie, vont se sentir confortables dans la paix. Au niveau des pays qui sont tout à fait désénergisés, on a, entre autres, l'Inde, on a tous les continents qui ont vu apparaître les races il y a quelques milliers d'années, pour ne pas parler de millions. Le continent le plus énergisé présentement, c'est le continent américain. les continents américains. Entre l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Nord qui est l'endroit le plus énergisé de la planète si on regarde l'ensemble du territoire. Au niveau de ce territoire, le Québec ésotérique est la région la plus énergisée de la planète Terre. Et dans le Québec ésotérique, on retrouve le Québec politique. Le Québec ésotérique est un territoire qui couvre presque la totalité du Québec politique en excluant les cantons de l'Est. Tout le fleuve Saint-Laurent, en descendant vers le sud, n'est pas sur le Québec ésotérique. Les trois quarts de l'Ontario, en excluant une partie du nord de l'Ontario, font partie du Québec ésotérique. Le Manitoba, la Saskatchewan et une partie de l'Alberta, ainsi que la grande partie des territoires du nord-ouest et quelques îles vers le nord. Là est la délimitation du Québec ésotérique. Et lorsque nous parlons du rôle du Québec, nous parlons de ce territoire. Nous ne parlons pas du Québec politique. La région la plus énergisée sur la planète est ce Québec, dont presque toute notre géographie politique fait partie. Et si on regarde d'autres régions planétaires, comme la République dominicaine, comme la Jamaïque, comme certaines îles en Polynésie, comme le Pérou, comme le Guatemala, comme le Mexique, comme d'autres régions sur la planète, certaines localités sont extrêmement énergisées parce que l'homme n'a presque jamais mis le pied là. Tandis que où l'homme a vécu longtemps, les énergies telluriques ont presque toutes été absorbées par l'homme, et étant donné que les énergies telluriques continuent leur migration, ces peuples ne peuvent plus arriver à défendre leur religion, leurs idéologies, leur propre race. Si on regarde l'Inde, qui est un endroit géographique fini, si on regarde le Sahara, qui date bien avant l'Inde, qui est maintenant un désert, et si on regarde l'Égypte, qui s'en va, si on regarde toutes les nations, toutes les géographies nationales, qui un jour ont eu un empire, et qui maintenant, plus ça va, plus ça rempire, ils perdent continuellement d'énergie, et deviennent de plus en plus belligérants, c'est-à-dire, ça devient des peuples guerriers. C'est normal, leur propre énergie vitale qui leur permettait d'être de grandes nations, ayant migré vers d'autres pays deviennent des empires, tandis qu'eux autres, disons, on pourrait dire spirituellement, paient le karma de leur ancienne action. Les personnes qui voyagent, lorsqu'ils mettent le pied dans un pays, peuvent adorer la place. Parce qu'il y a une résonance vibratoire entre l'endroit où ils sont et eux-mêmes. D'autres personnes vont haïr, vont détester, ne pourront pas rester. Tout est question de résonance vibratoire au niveau de l'énergie vitale, surtout. Bon, peut-être une dernière question à propos des courants telluriques. Est-ce qu'on peut procéder par analogie et puis dire qu'il y a eu un temps où il existait une espèce d'acupuncture planétaire, dans le sens que si par analogie les courants telluriques sont un peu comme les méridiens du corps physique, supposant que la Terre est une planète vivante, un organisme vivant, est-ce qu'il n'y a pas eu une époque où on plantait des aiguilles, les menhirs? Ne supposons pas. Ok, alors. Le travail. Dans quel intérêt on plantait des menhirs, donc des aiguilles? Bon. L'une des grosses parties du travail planétaire de l'homme nouveau va être cette acupuncture planétaire. Et dans l'Antiquité, certaines personnes, certains groupements, hautement ésotériques en ce sens qu'ils étaient cachés, ont aussi participé à cette poncturation planétaire. Alors, on peut parler de certaines choses qu'on retrouve en Égypte, de certaines choses qu'on retrouve dans la mer du Diable, de certaines choses qu'on va retrouver aussi dans le Pacifique, et même au Québec, dans une région particulière du Québec, où on a justement travaillé, où on a poncturé, où on a obligé les méridiens à se restaurer ou à émettre plus rapidement des énergies, parce que soit que l'homme, par ses mécanismes, disons, je ne veux pas employer des mots trop puissants, disons juste sa stupidité de creuser des mines d'une façon inconsidérée, l'homme magane continuellement des méridiens minérales qui conduisent l'énergie vitale sous la planète Terre, libérant ici ces énergies dans l'air, ce qui va automatiquement opérer des transformations au niveau des psychologies raciales, au niveau aussi de la tellurie, que ce soit d'ordre marémotrice, les raz de marée, les tremblements de terre, ces choses-là, et même au niveau des températures. L'homme nouveau aura un travail planétaire à accomplir qui n'est pas une mission, en ce sens que Lorsque l'homme décide d'accomplir une mission, lorsque l'homme se donne une mission, c'est que l'homme se prend tellement au sérieux et que l'ego se sent tellement flatté d'être l'un des uniques à devoir sauver l'humanité ou à devoir sauver les pauvres âmes faibles ou à devoir guérir, ou etc., qu'il perd complètement le lien entre les énergies supramentales ou les énergies intelligentes qui vont descendre et lui-même. Lorsque l'homme nouveau, lorsque l'homme transitif va commencer ce travail planétaire au niveau de l'acupuncture planétaire, il va lui aussi être obligé soit de creuser des mines dans des régions particulières, soit de construire des édifices qui pourront servir d'antenne dans des régions particulières, alors soit qu'ils devront creuser pour empêcher une continuité au niveau d'une transmission énergétique, ou soit qu'ils vont creuser des antennes de façon à réénergiser une partie particulière de la planète Terre. Alors, dans l'Antiquité, on a des exemples à la tonne, dans différents temps et dans différents endroits, de cette acupuncture terrestre. Alors, les Égyptiens, c'était une acupuncture un peu plus sophistiquée que celle de l'époque de Karnak ou des menhirs, parce que les obélisques ressemblent beaucoup à une aiguille. Ce sont des aiguilles, des antennes, disons, qui, dans cette région, attiraient une énergie, soit cosmique, soit solaire, et en même temps, elle attirait une énergie tellurique pour la simple raison que l'énergie tellurique est attirée par l'énergie solaire et vice-versa. Alors, si on a plus d'énergie solaire dans une région, on a donc plus d'énergie tellurique. Et si on a plus d'énergie tellurique, on a plus d'énergie solaire, ce qui accentue encore le retour d'énergie tellurique, ce qui aussi va vider la contrée voisine. Donc, on s'en est déjà servi aussi dans l'Antiquité pour épuiser un peuple, pour détruire un peuple. Et en même temps, évidemment, on bénéficie d'une façon radicale de cette énergie que l'on accumule. Mais les lois n'étant pas tous connues, lorsque cette énergie migre, retourne vers l'endroit où on l'avait puisée, le peuple conquis, épuisé, retrouve sa force, tandis que le conquérant perd sa force, et là, c'est l'inverse, le karma, la loi d'action-réaction, la loi de rétribution, disons, se met en marche. Alors, des hommes comme Napoléon devaient intuiter ce genre de phénomène s'ils ne le connaissaient pas, parce qu'il a bien été raflé, volé quelques obélisques. Il a essayé de ramener, oui. Il en a ramené un à Paris. Puis j'ai eu la grande surprise de voir dernièrement dans le Vieux-Montréal un obélisque qui venait d'être érigé. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui. C'est-à-dire que non, je n'ai pas vu l'obélisque, mais disons que ce qui, dans nos régions, sert le plus au niveau des énergies, ce sont les gratte-ciels. Et c'est pourquoi New York, Los Angeles, Hong Kong et différentes autres grandes villes, lorsqu'on a commencé à ériger des gratte-ciels, ces villes ont été connues immédiatement à l'échelle de la planète pour la simple raison que les affaires se traitaient là, que les choses se passaient là, que c'était des régions énergétiques incroyables pour justement la traite d'affaires matérielles, spirituelles, de tout ordre. Alors aujourd'hui, évidemment, les gratte-ciels pullulant sur la planète, les énergies ne sont plus canalisées d'une façon inconsciente ou consciente, bénéfique. Il semble que tout le courant de développement spirituel, je dis bien de développement spirituel, se soit déplacé vers l'ouest, vers la Californie, plus particulièrement San Francisco, Los Angeles, etc. Exactement. Et après ça, où est-ce qu'on va aller s'établir dans le Pacifique? Tu poses des questions, bon, alors je vais répondre quand même. Les énergies spirituelles qui présentement voyage à l'échelle de la planète, se dirige vers Los Angeles, vers San Francisco, et on peut prendre l'annuaire téléphonique de Los Angeles et découvrir 72 pages complètes de sectes. San Francisco, c'est un peu la même chose. Et au niveau du Québec, ce sont les cantons de l'Est qui vont ramasser les plus grandes parties de l'énergie spirituelle planétaire, qui est une énergie vitale d'ordre assez haut, et évidemment une énergie astrale d'ordre très haut. Donc, d'énergie astrale spirituelle. Tandis que le Québec, les Laurentides, entre autres, vont expulser ce genre d'énergie vers le sud et vers l'ouest, vers Los Angeles, vers les cantons de l'Est, vers San Francisco. Et, évidemment, la côte américaine sera là l'endroit, l'antenne terminale de la migration des énergies spirituelles. Ça n'ira pas plus loin à l'ouest. Je fais juste référence à une tradition ésotérique qui affirme que le prochain continent à surgir des eaux verrait le jour en plein L'antique Pacifique. L'antique Lémurie va ressortir. Mais les énergies d'ordre spirituel reliées à l'énergie vitale n'iront pas sur ce continent. Dans la tradition, vu que tu parles, disons, de tradition, on sait qu'une région particulière du globe terrestre, une région qui ne bouge pas lors de tremblements de terre et de cataclysmes, une région qui a porté le nom de Terre Blanche dans l'Antiquité, a toujours été une terre réceptrice de la plus haute évolution d'une humanité avant des catastrophes ou des apocalypses. Lorsque un tremblement de terre majeur, lorsque, disons, un apocalypse, pour employer un terme qui est très apprécié de l'homme ancien, lorsqu'un apocalypse était senti, cela se sent vitalement. L'homme perçoit des choses. Et sa psychologie peut l'interpréter, peut le colorer, peut transformer ça en prophétie ou autre chose. Mais l'homme le sait. L'animal le sait évidemment avant l'homme. Un jour, j'étais au Guatemala, dans une petite Coatepeque sur la côte du Pacifique. Et vers 4 heures du soir, les chiens ont commencé à être nerveux, les oiseaux aussi, les poules, les cochons. Alors automatiquement, le peuple, connaissant cette perception d'énergie tellurique, de l'énergie du sol des animaux, le peuple a pensé que ce serait peut-être préférable de coucher dehors cette nuit-là. Évidemment, les personnes sérieuses ont couché en dedans, dont moi-même. Et dans la nuit, j'étais réveillé parce que mon lit se promenait. Alors, pendant 2-3 secondes, j'ai cherché voir quel genre d'entité essayait de me posséder. Et j'ai su que c'était le sol qui tremblait. Alors, on avait donc un tremblement de terre qui était approximativement de 4,5 dans la région où j'étais. C'était juste suffisant pour faire vibrer les choses. Mais quand on dort, ça réveille bizarrement. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement plaisant. Les animaux détectent l'énergie vitale. Plus facilement que l'homme, ils vont la conscientiser inconsciemment, donc ils vont en avoir peur. Ils savent que c'est quelque chose de pas normal. Lorsque l'homme perçoit ses énergies vitales à l'échelle de la planète. Prenons l'exemple des Romanichel, l'exemple de plusieurs autres peuples qui se promènent dans la caravane, des peuples qui adorent changer de nation, qui adorent changer de pays. Les Romanichel, ça n'existe plus. Pour la simple raison que l'énergie tellurique qui les faisait voyager avant, parce qu'ils étaient beaucoup plus sensibles aux migrations d'énergie que l'homme normal, alors ils se promenaient continuellement dedans leur roulotte, les gitans et ce genre de personnages. Et lorsque l'énergie vitale instruisait les Romanichel de quelque chose de pas correct, ils s'en allaient. Et quelques semaines, quelques mois après leur départ, une malédiction tombait sur l'endroit. Alors, soit que c'était la tuberculose au niveau des vaches, soit que c'était un incendie, soit que c'était une migration de sauterelles. Tout ce qui est vital regarde la vie. Alors, on disait, les Romanichel ont jeté un sort. Ils se sont sauvés. Alors, les gitans ne jetaient pas de sort comme ça. Mais c'est évidemment ce que l'homme ancien percevait. Lorsqu'à l'échelle planétaire, ce genre de mécanisme s'opère, les hommes migrent. Les hommes migrent vers un endroit. Et les êtres les plus conscientisés se retrouvent tous sur le même territoire. Ce territoire qui est un territoire immuable, qui porte aussi le nom de bouclier, parce qu'il protège. Et ce territoire, pour le grand malheur des Québécois, c'est le Québec ésotérique, qui est aussi connu sous le nom de bouclier canadien. Lorsque les continents bougent, lorsque les continents s'enfoncent et naissent, les personnes les plus conscientisées sont toujours attirées inconsciemment, vers ce territoire. Et là, va se passer des choses, les choses vont bouger, et par la suite, les énergies telluriques vont encore commencer leur migration, et les êtres qui ont vécu sur ce bouclier vont recommencer à repeupler la Terre. Alors, lorsqu'on parle de tradition, donc je viens de vous expliquer une parcelle de la tradition ésotérique, et lorsque tu parles du continent qui va reparaître, évidemment, il va reparaître, non pas demain matin, disons après-demain, et ce ne seront pas des énergies spirituelles qui vont migrer vers l'ouest, ce seront cette fois-ci des énergies d'ordre mental ou supramental. L'énergie spirituelle va terminer sa migration sur la côte ouest des États-Unis, tandis que l'énergie supramentale au niveau collectif va naître surtout au niveau du Québec ésotérique. Pourquoi as-tu dit tout à l'heure pour le grand malheur des Québécois? Que ce bouclier... Parce que les Québécois se sentent tellement médiocres que lorsqu'on dit que c'est où ce qu'ils sont que ça va se passer, ils préféreraient que ce soit en France, aux Indes, au Bangladesh, mais pas au Québec. Nul n'est prophète en son pays. Exactement. Alors ça fait hypocritement mieux passer la chose. Parce qu'effectivement, le peuple québécois est ésotérique. Alors il y a des Québécois qui sacquent le camp, qui s'en vont. Il y a des Ontariens qui s'en vont. Il y a du monde qui migre à l'extérieur du bouclier, c'est normal. Et il y a des personnes qui se dirigent vers ce bouclier. Alors, certaines personnes vont dire, ben oui, mais pourquoi nous autres? Ben, c'est ça. Pourquoi pas vous autres? Bon. Et puis, c'est pour ça que je disais ça. Bon, quel rapport ou y a-t-il entre le travail planétaire et puis ton voyage au Pérou, finalement? Maintenant qu'on a compris l'affaire des énergies telluriques. Bon. Deux choses avant d'aborder le travail planétaire et le voyage. Certains êtres humains auront obligatoirement la soif de voyager et voyageront. Tandis que d'autres êtres humains ne voyageront jamais et n'en auront pas besoin. Ceux qui auront à voyager accompliront un travail planétaire. Et ceux qui ne voyageront pas vont aussi en accomplir un. Je dis ceci simplement pour pas qu'une personne comprenne tout de travers et se dise « Oui, mais moi, je peux pas voyager. » Ça veut dire que moi, comme à un moment donné, lorsqu'on parlait de la transmission de l'évolution par la génétique, et lorsque j'avais dit dans la conférence « La conception de l'enfant » qu'il était plus intelligent que les parents s'améliorent suffisamment avant d'engendrer un enfant. De cette façon, l'enfant naissait amélioré lui aussi. Alors, les personnes qui étaient stériles ont pensé que leur vie servait à rien parce qu'ils ne pouvaient pas transmettre leur propre évolution par la génétique. Donc, ils ne pouvaient pas transmettre leur évolution. Et j'avais pourtant dit à cette conférence que lorsque deux choses viennent influencer la transmission de l'évolution. Il y a la génétique et il y a le milieu, c'est-à-dire l'instruction. On appelle ça l'éducation, si vous voulez. Alors, une personne qui n'a pas d'enfant peut transmettre son évolution par l'instruction. Tandis qu'une personne qui a un enfant la transmet automatiquement génétiquement. Il faut comprendre ce que je dis et non pas comprendre ce que, de temps en temps, l'ego veut comprendre. Le travail planétaire nécessite que certains êtres humains partent d'une région particulière, en l'occurrence de ce Québec ésotérique, ce que certains de nos anciens ministres ont fait, et doivent, ces personnages, aller dans des régions hautement énergisés pour pouvoir deux choses. Certains d'entre eux iront dans certaines de ces régions pour pouvoir avoir la paix à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que étant de naissance réincarnative, de connotation raciale différente, ils devront à un moment donné faire un retour sur la Terre où ils ont déjà connu le monde pour pouvoir apaiser l'insécurité des égos réincarnatifs, donc des réincarnations pluralitaires chez la même personne, de façon à ce que ceux-ci se deviennent suffisamment énergisés pour que la fusion psychologique à l'intérieur d'un être humain se fasse et s'accomplisse complètement. Cela veut dire que lorsqu'une personne est de temps en temps en colère, de temps en temps joyeuse, de temps en temps ci, de temps en temps ça, lorsqu'une personne normale a de la difficulté à se connaître et à se retrouver, certains de ces personnages, lorsqu'ils voyageront dans des pays où ils sont attirés, certains veulent aller en Grèce. Pourquoi? Il me semble que j'aimerais ça aller en Grèce. Voilà, mais va en Grèce. D'autres vont aller ailleurs, d'autres vont à Paris, d'autres vont à Londres. Et on va dire, mais qu'est-ce que tu vas faire à Londres? Il n'y a rien à voir à Londres, t'es bien mieux d'aller en Égypte. Non, c'est faux. Parce que certains vont à Londres et reviennent paisibles. D'autres vont en Égypte et reviennent paisibles. Et évidemment, il y a le touriste qui voyage, mais qui n'a aucun rapport avec ce genre de travail personnel. Lorsque moi, j'ai été au Mexique, lorsque moi, j'ai été au Guatemala, lorsque j'ai été au Honduras, lorsque j'ai été au Pérou, lorsque j'ai fait aussi un peu les États-Unis, c'était surtout pour pouvoir reconnaître des énergies telluriques que je connaissais déjà. À un moment donné, j'étais avec une Allemande dans la forêt vierge du Petén à Tikal. C'était la première fois que je mettais les pieds dans cette région. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'étais assez jeune, je commençais simplement à découvrir des mécanismes bizarres chez l'homme. Et lorsque j'ai vu une montagne, j'étais sûr que c'était une pyramide. J'en ai traversé un sentier que je reconnaissais. On a monté la montagne et rendu en haut, il y avait une plateforme de pierre. Et de l'autre côté, il y avait des marches. C'était une pyramide totalement découverte, c'est-à-dire que les archéologues l'avaient nettoyée. Certaines personnes vont dans des pays et reconnaissent des choses. Alors, ils vont dire, est-ce que c'est parce que j'ai vécu là dans une autre vie? Oui et non. Parce que n'oubliez pas que la réincarnation chez vous vient aussi de la génétique. Parce que vous êtes de toute façon biologiquement tous vos parents et vos ancêtres. Vous êtes un peu psychologiquement tous vos parents et vos ancêtres, et c'est là que se fait la réincarnation dans l'être humain. Vous ressemblez à votre grand-père, c'est normal. Vous avez la même face ou le même caractère cochon de votre arrière-grand-mère, c'est normal. Vous aimez tel genre de place et vous avez l'impression d'être chez vous quelque part, c'est normal. Et lorsque l'homme a le goût de voyager, il doit voyager. Le Pérou, comme d'autres régions planétaires, sont des trous au niveau de l'énergie de l'astral planétaire. Donc, ce sont des réservoirs pour des énergies différentes. Énergies différentes que dans l'antique religion, on appelait l'énergie du Saint-Esprit ou de l'Esprit-Saint, l'esprit non coloré, qu'ésotériquement, nous appelons l'énergie supramentale, le premier palier d'expression de l'esprit chez l'homme, de l'esprit non coloré, tandis que la psychologie et l'intellect font partie de l'esprit coloré, de l'âme de l'homme, l'âme planétaire, comme de l'âme individuelle. Lorsque vous allez dans certaines de ces régions et que vous avez une affinité éthérique, c'est-à-dire une affinité vitale d'ordre solaire, d'ordre supramental, ces énergies vont réussir à fusionner les derniers vestiges de l'ego chez l'homme qui font en sorte que l'homme, dans son évolution, lutte contre lui-même. Vous avez sans doute tous remarqué que continuellement, vous étiez en lutte contre vous-même. Vous vouliez faire quelque chose et vous ne le faisiez pas. Vous pensiez le faire, vous n'étiez pas sûr. Vous manquiez d'énergie, vous manquiez de pep. Et puis après ça, ben, vous vous remarquiez que vous n'aviez toujours pas fait et vous commenciez encore à lutter contre vous. Certains mécanismes de ces voyages permettent à ces égos de se fusionner pour créer un être humain psychologique qui va enfin cesser de s'entretuer. Lorsque beaucoup d'humains auront voyagé à l'échelle de la planète, ils auront traîné avec eux leur propre énergie vitale de la région d'où ils partent et ils l'auront mélangée avec celle des régions où ils vont. Les guerres ont opéré ce mécanisme. Les voyages d'aujourd'hui, le tourisme et tout ce genre de choses opèrent ce mécanisme, ce qui fait que lentement, progressivement, on a encore des résistances majeures au niveau des plans belligérants, au niveau des pays qui sont maintenant en perte d'énergie vitale, les pays qui aujourd'hui vont vouloir transmettre le terrorisme à l'échelle de la planète. Il faut comprendre aussi que le terrorisme a une autre fonction, celle de forcer les pays européens à se regrouper et à s'allier, parce que sinon les pays européens ne s'allieront jamais, et le terrorisme en Europe va les forcer à s'allier contre le terrorisme, et ça va être une bonne chose. Toutes ces choses se font lentement malgré cette résistance et de plus en plus, le français pense un peu comme l'américain, comme le britannique. De plus en plus, le britannique pense comme le canadien, comme le pérouvien. Je ne parle pas évidemment de la race descendante Inca, donc de l'indien, je parle de ceux qui dirigent le pays. Et de plus en plus, ces psychologies s'intermêlent et se mélangent. Et c'est normal parce qu'on n'aboutira jamais à un être planétaire unique, c'est-à-dire à une nation planétaire, si continuellement on nourrit et on développe les égrégores, les égos nationaux, les égos politiques. Donc voyager, ça permet en quelque sorte de puiser à des éthers différents, puis aussi de liquider des mémoires du passé. Exactement. Puis c'est ça qui approche, donc, qui permet à l'être d'approcher de la fusion dont tu parles. Fait qu'il liquide des mémoires. La fusion psychologique est la première fusion que l'homme va rencontrer bien avant la fusion supramentale, cela va de soi. Lorsque l'homme voyage, aujourd'hui, il va chercher dans d'autres pays les vestiges d'énergie. Et il va voir une ruine, par exemple. Et si la ruine n'est pas trop touristique, donc si la ruine n'a pas été suctionnée en énergie vitale par les touristes, la personne qui va dans cette ruine va sentir quelque chose. Elle va vibrer quelque chose. Et c'est ce mécanisme qui est important chez la personne. Qu'elle ne comprenne pas ou qu'elle comprenne, ça n'a pas d'importance. Elle va là et elle sent quelque chose et c'est parfait. Lorsqu'on va dans une ruine qui a été sucée par les touristes, c'est-à-dire vous allez dans l'acropole, par exemple, dans une des acropoles en Grèce, et approchant du Parthénon, vous allez dedans et vous ne sentez rien. À part peut-être l'urine. Bon, vous allez remarquer, les vieilles ruines sentent l'urine. Hein? Tu as déjà vu l'Égypte? Bon, ça... Alors, vous ne sentez rien. Il n'y a rien à sentir. Tous les touristes sont passés et ont simplement absorbé inconsciemment, volontairement, les énergies vitales de là, de cette région, de cette ruine. J'ai été dans la jungle et j'ai déjà découvert d'autres ruines. Quand je parle découvert, c'est qu'ils étaient couvertes, donc les arbres sont dessus, les végétations sont dessus et on ne les voit pas. Et c'est différent. Vous couchez une nuit dans ces ruines, puis vous voyagez dans le temps. Lorsque vous pénétrez dans un cimetière, dépendant du cimetière ou dépendant de l'église, par exemple, dans une vieille église, vous ramassez une énergie vitale différente. Et lorsque vous rentrez quelque part dans un lieu où des millions de personnes sont rentrées en touristes, même dans une vieille église, on ne sent plus rien. Et si ce sont des fidèles qui pénètrent, on sent toujours. Alors donc, cette énergie, lorsque l'homme voyage, il récupère des parcelles pour finaliser sa fusion psychologique, donc trouver la paix à l'intérieur, au niveau de sa psychologie, évidemment. Et en plus, il amène avec lui les énergies du Québec, les énergies de ce Québec ésotérique, dans l'autre place, et il laisse des traces en arrière de lui qui vont évidemment être perçues par ceux qui devront migrer vers le Québec. Ce travail se fait à l'insu des voyageurs. Certains le savent. Certains voyagent pour se réénergiser. Certains voyagent pour énergiser. C'est des choses qui ne sont pas des missions pour la simple raison que c'est nécessaire. Alors, la personne qui voyage accomplit quelque chose et elle, quand elle revient, se sent mieux. Certains voyagent et reviennent, se sentent plus mal. Mais ça, c'est simplement en rapport avec les mécanismes que j'ai expliqués la semaine dernière et la semaine d'avant. L'oubli des forces psychologiques, disons, bassement vibratoire chez l'homme, l'oubli des forces psychologiques qui, à un moment donné, vont s'exprimer dans le corps physique en le rendant malade, étant donné que l'homme, à un moment donné, détruit sa spiritualité. Et la spiritualité étant le seul moyen que l'homme a d'arriver à être en contact avec ce que l'homme peut appeler le mal chez lui, alors détruisant sa force spirituelle lorsque l'homme devient suffisamment intellectuel ou mental, ou l'homme devient, disons, rentre dans cette nouvelle conscience, les mécanismes que l'homme a oubliés chez lui, comme j'expliquais, l'homme est souvent pressé à détruire le Dieu chez lui, mais oublie toujours de détruire les forces reliées à ce Dieu, les forces que l'homme appelle Satan ou le diable. Parce que lorsqu'on croit avoir démoli Dieu, lorsqu'on se rend compte que Dieu n'existe peut-être pas comme on le pensait, eh bien, on pense que tout est réglé. Et à un moment donné, la personne, elle est consciente, tout va bien, et la personne, elle est malade. Alors donc, ces personnes qui vont dans ces pays peuvent aussi finaliser ce genre de fusion qui doivent obligatoirement être faites chez l'homme. Certaines autres personnes n'auront qu'à côtoyer les personnes qui voyagent ou simplement n'auront qu'à voyager dans leur propre pays, dans leur propre localité pour arriver à parfaire cette fusion. Donc, le voyage n'est pas essentiel pour tout le monde. Quelle différence fais-tu entre ces espèces de touristes conscients et les missionnaires de la religion qui étaient en quelque sorte des éclaireurs qui invitaient les gens à participer à leur conscience spirituelle? Mais c'est la même chose. L'homme a toujours besoin, les nations, les religions, dans l'Antiquité, c'était la religion catholique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'islam qui tend à s'étendre à l'échelle planétaire et un peu, évidemment, l'athéisme communiste. Les moines, les prêtres faisaient partie d'un processus d'invasion politique, donc militaire, qui n'était pas connu, évidemment, à l'époque. Alors, on envoyait toujours un peu les colons. Les colons échangeaient des babioles à caractère éthérique, donc à caractère religieux. Et lorsque les pionniers avaient un peu défriché, on envoyait les missionnaires. Les missionnaires allaient là pour prendre possession au nom de Dieu. Et beaucoup savent de quel ordre est ce Dieu aujourd'hui. Alors, au nom de Dieu, on prenait possession de la terre, des énergies de la place, au nom du roi, au nom du peuple. On plaçait le drapeau et on transformait immédiatement la psychologie des colonisés parce que l'énergie, par exemple, de l'Espagne ou de l'Italie devait être transférée dans le nouveau territoire. Il ne fallait pas que l'inverse s'opère. Et une fois que les missionnaires avaient suffisamment été transfusés de leur propre énergie spirituelle, on faisait venir l'armée qui pouvait maintenant massacrer le peuple qui avait appris à tendre l'autre joue. Alors, on colonisait d'une façon assez facile. Les missionnaires, comme les voyageurs d'aujourd'hui, sont des personnages qui amènent de leur propre énergie. Et à Iquitos, sur le bord de l'Amazonie, on a rencontré un missionnaire qui était là depuis 45 ans, qui était un prêtre, un franciscain, je crois, marié, incognito, à une femme de 80 quelques années. Il vivait sur une île en plein milieu de l'Amazone. Et lui-même avoue qu'il est venu pour tout transformer, Sauf que dans l'Amazonie, les énergies vitales sont extrêmement puissantes, étant donné que l'homme n'a pas réussi à en prendre possession. Et le missionnaire avoue que c'est le territoire qui l'a transformé. Beaucoup de missionnaires ont été transformés, ont été transmutés par l'énergie vitale d'une région où ils allaient. Un missionnaire, un jour en Polynésie, rentrant dans son église, une église de paille, voit deux Polynésiens en train de faire l'amour sur le seuil de son église. Alors évidemment, il sort tout ce qu'il a comme morceau de bois à côté de lui et rentre dans le paquet en tapant un peu partout, en les traitant de Satan et de tout ça. Et la religion catholique a pris un recul en Polynésie à cette époque parce que les Polynésiens n'en sont jamais arrivés à accepter un Dieu qui ne pouvait pas comprendre l'amour. Alors, les moines, les missionnaires, ont toujours essayé d'étendre leur propre énergie vitale et spirituelle à l'échelle des autres pays. C'est normal, c'est la conquête. Et lorsque l'Église, et l'Église, c'est une chose extrêmement puissante, c'est une chose qui est extrêmement organisée, et qui a évidemment la possibilité de programmer. C'est normal, c'est nécessaire, comme la politique d'ailleurs. L'Église sait des choses que les fidèles ignorent souvent. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Si on prend, je donne un petit exemple, l'exemple de la réincarnation. Lorsqu'on a interdit d'enseigner la réincarnation à l'échelle collective, lors du Concile de Vatican II, l'Église n'a jamais refuser la réincarnation. Elle en a interdit l'enseignement. Parce qu'à cette époque, et depuis longtemps déjà, l'homme connaissait les mécanismes de la réincarnation. Lorsqu'on va lire, par exemple, la Bible, où un bonhomme va demander à ses fidèles « Qui est Jean le Baptiste? Est-il un tel? Est-il un tel? » Alors, il se demande si ce n'est pas quelqu'un qui a déjà vécu, qui serait là. Et lorsqu'on rencontre Lazare, « Est-il Jean le Baptiste? » Et lorsqu'on rencontre un Nazaréen, est-il un tel? Est-il un tel? Alors même dans la Bible, on parle des mécanismes même de la réincarnation. Pourquoi on l'a interdit? Parce que l'homme était trop imbécile. Parce que les Japonais comprenaient un peu mieux. Les Chinois un peu mieux. La race blanche, non. Qu'est-ce qui se passait? Ben, c'était pas compliqué. C'est que l'homme faisait des orgies. L'homme faisait la guerre. L'homme s'amusait. Parce que dans son autre vie, il pourrait se reprendre. Alors interdisant l'enseignement de la réincarnation et obligeant l'enseignement même que l'homme doit sauver son âme dans cette vie-ci, parce qu'après sa mort, il a le choix entre le paradis ou l'enfer. Alors les hommes ont cessé de remettre à plus tard ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Et ils ont commencé à embarquer un peu plus dans ce processus d'évolution. Alors ça paraît toujours stupide. L'Église sait ce qu'elle fait, même si elle ne le dit pas. Lorsque les moines, lorsque les missionnaires ont commencé à se propager à l'échelle planétaire, c'est qu'il fallait arriver à mettre la main sur tout ce qui est continental, tout ce qui est national, de façon à ce que lorsque les migrations d'énergie vont se faire, que l'Église ait toujours l'apanage de l'Empire, étant donné qu'elle aura toujours des antennes humaines là où l'énergie va aller. Alors c'est donc tout à fait logique que les grandes forces ecclésiastiques, les Églises, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'athéisme communiste, que ce soit le catholicisme, essaient continuellement de s'étendre à l'échelle planétaire pour pouvoir avoir le monopole des premiers absorbants des migrations d'énergie tellurique. Alors, on fait un peu la même chose aujourd'hui, sauf que ces énergies ont une tendance innée à se diriger vers le nord, vers l'ouest, et ils vont tout être arrêtés au niveau du Québec, au niveau des énergies globales vitales, et au niveau des énergies vitalo-spirituelles ou vitalo-astrales, ils vont se diriger vers les côtes américaines. Pour des raisons telluriques. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire dans ce genre de travail de missionnariat, par exemple pour les religieux, est-ce qu'il est nécessaire de vouloir convaincre à tout prix les peuplades que l'on rencontre, les indigènes ou les primitifs soi-disant, là, du bonheur occidental? Et bah, déjà cette question-là. C'est-à-dire que lorsque l'énergie vitale particulière à ta propre race pénètre le territoire d'une autre nation, quand je parle de race, disons, parlons de nation, et qu'elle va s'exprimer là où le peuple vit. Toi, si tu pénètres dans ce peuple pour aller chercher de cette énergie, à la longue, tu vas finir par t'adapter à ce peuple. Tu vas donc être assimilé par le peuple. Et c'est tout à fait normal que tu sois assimilé par le peuple. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent de d'autres pays, ce qu'on appelle des immigrés, ici dans la salle, ou qui, à un moment donné, vont écouter. La pire farce que l'immigré fait, c'est qu'il ne veut pas s'adapter. Alors on a un Chinatown, alors on a une culture italienne, une culture grecque, une culture, etc. Dans un territoire comme le Canada, comme les États-Unis, comme la France, etc. C'est la pire chose, parce que la personne, elle migre, elle amène avec elle ses propres énergies vitales qu'elle essaie de reconstituer dans sa région. Elle amène aussi ses propres énergies spirituelles et psychologiques qu'elle va essayer de reconstituer dans la nouvelle région, alors que l'énergie vitale et psychologique de l'endroit va continuellement lutter contre. Alors, ces personnages vont devoir se grouper en clans pour pouvoir accumuler leurs propres énergies telluriques ensemble, de façon à créer une espèce de pouvoir, de puissance, qui pourra essayer de réfréner l'invasion des énergies de la place. Alors, ils sont malheureux, ils ont continuellement peur de perdre leur propre tradition. Les traditions, c'est bon seulement lorsque ce n'est pas une tradition. Lorsque vous le vivez et que c'est normal, c'est bon. Lorsque ça devient une tradition qu'on répète, pour essayer de conserver ces énergies ancestrales, ça devient un frein. Parce qu'on ne peut pas connaître la beauté d'un territoire si on amène le nôtre dedans. Bon, alors on a voyagé souvent. Et lorsqu'on voyage, on visite un autre pays, on est là et puis on va dire, « As-tu vu comment ils font ça ici? As-tu vu comment c'est niaiseux? » Oui, et le Français va dire, « Ah, mais chez nous en France, on ne fait pas ça comme ça. » Et ici, on va rire du Français, tandis que le Québécois, lorsqu'il voyage, il fait la même chose. Sauf que lui, il dit, « Tabarnak, as-tu vu comment ils sont niaiseux? » C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on est là et on refuse d'embarquer dedans leurs propres énergies. Alors, ce qui fait que tu les regardes faire et c'est normal. C'est tout à fait normal de vendre des pommes en plein milieu de la rue et demander au chauffeur d'autobus de passer à côté de ses pommes. Puis le chauffeur vient se stationner à côté, puis là, tout le diesel d'Exar se revolte dans les pommes. Et là, je trouve ça merveilleux, ça chasse les mouches. Et puis, tout est parfait. Alors, quand tu t'intègres, ben ça devient normal. Et il se trouve que lorsque l'homme s'intègre convenablement, il peut manger aussi, il n'est pas malade. Et lorsque l'homme ne s'intègre pas, il mange et il est malade. On appelle ça la tourista, ou le va-vite. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Il y en a d'ailleurs qui l'attrapent une semaine avant de partir. Bon. Et ça, c'est fréquent. Pourquoi? Parce que déjà, il lutte. Et qu'est-ce que c'est? La maladie, c'est d'ordre vital, surtout, évidemment, la psychologie va interférer au niveau du plan vital, de la vie, ce qui va automatiquement s'exprimer par une maladie au niveau du corps physique. Ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Lorsqu'une personne intègre totalement le pays, elle boit l'eau. On a bu de l'eau d'Iquitos, nous autres. Et puis, je vais vous dire franchement, il paraît que c'était pas recommandé. On a bu, on a mangé. On a mangé du singe, on a mangé du piranha, on a mangé des choses. Et on n'a pas été malade. Par contre, beaucoup d'autres touristes ne doivent pas manger ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ce sont des touristes. Ils ne sont pas du peuple. Ils sont des étrangers. Et ils le resteront. Alors, lorsqu'un immigrant arrive ici, il doit oublier son pays. Il est dans une nouvelle force vitale, dans une nouvelle force psychologique, dans une nouvelle collectivité, et il doit s'y intégrer. Alors, automatiquement, c'est bon pour lui et c'est bon pour la collectivité. Mais lorsqu'on crée et lorsqu'on s'évertue à créer des régions où ces immigrants vont pouvoir se retrouver, ils se retrouvent jamais. Ils se retrouvent jamais. C'est comme de vous dire que la paix existe dans votre maison. Et quand vous sortez, vous avez toujours l'inverse. C'est pas grave. La paix existe dans votre maison et restez dedans à votre maison. Alors, la paix existe, mais la paix n'existe pas. Et continuellement, vous avez peur que l'extérieur rentre chez vous. Et c'est ce qui se passe lorsque l'immigrant arrive et se forme un clan. Donc, que ce soit par le biais du tourisme ou de l'immigration, pour bien s'intégrer dans un pays, il faut être libre dans son mental, finalement, dans sa tête. Tu vas au Pérou, soit pérouvien. Tu vas à Rome, sois romain. Et lorsque tu arrives à être planétaire, partout où tu vas, tu es bien. Tu te reconnais. Évidemment, les Pérouviens de certaines places, ton énergie ne leur fait pas. Alors, ça va rire de toi. Ça va t'indiquer des faux chemins, comme c'est arrivé à certains de ceux qui m'ont accompagné, hein, qui ont resté 2 heures sous une pluie froide à 0 degré et à 20 000 pieds dans les Andes à attendre un autobus qui ne passait pas par là. Bon, ils ont appris des choses. Mais la personne se sent bien. Elle n'a pas peur. Tout est normal. Tu intègres la région. Et le touriste n'intègre jamais la région. On a marché dans la jungle avec 2 Australiens. Eux autres étaient en Rilinchu, tandis que nous étions en bottes de marche. Et dans la jungle, il y a des endroits secs. Il y a des endroits humides. Il y a des endroits mouillés. Et à un moment donné, on s'est perdu avec le guide. Alors, depuis une demi-heure qu'on savait, nous, qu'on tournait en rond. Le guide était très, très, très diplomate. Il faisait nous montrer encore les plantes et les arbres. Et quand il a commencé à nous remontrer les mêmes arbres, ben là, on savait, nous, que le guide savait plus ce qu'il allait. On avait des gourdes, on avait des choses pour boire. Les Australiens n'avaient rien. C'était une petite touriste, une petite visite avec un guide. Oui, mais c'est dans la jungle. Et à un moment donné, ben alors là, leurs pieds commençaient à enfler. On a traversé de l'eau. C'était très agréable pour nous. On leur a offert de l'eau à un moment donné parce qu'eux autres avaient soif. La première fois, ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas boire après nos gourdes. La deuxième fois, ils ont accepté parce qu'ils étaient en train de se déshydrater complètement. Et quoi, 2 heures de marche après, le guide s'est retrouvé. Bon, alors c'est continuellement des mécanismes comme ça qui vont forcer le voyageur réel à s'intégrer, à connaître l'énergie. Alors, lorsqu'il revient, il est en paix. Lorsqu'il voyage en essayant d'amener avec lui son égrégore québécois, par exemple, vu qu'on est au Québec, il ne peut pas connaître convenablement la place. Et lorsqu'il revient, bien, il a hâte de revenir. Oui, il est juste de passage, il est en transit, le touriste. Et puis, moi, je visiterai, mais je ne resterai pas. L'immigré et le réfugié politique, lui, c'est un pas le choix. En fait, il est là, mais il n'y a pas demandé à être là bien souvent. C'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Donc, c'est tout au niveau mental, dans la préparation, dans l'attitude, dans l'approche que se fait la possibilité de bénéficier de ces énergies-là dont tu parles. Exactement. Lorsque vous allez voyager, intégrez-vous. Vous ne voyagez plus. Et lorsque des personnes viennent vous voir, traitez-les. Regardez ceci. On connaît, par exemple, des personnes qui sont noires. Et on a beaucoup de racisme à Montréal. Mais la majorité du racisme est créé par le noir sur le noir. Alors, lorsqu'un noir va rentrer quelque part et qu'il va s'approcher d'une caisse, le caissier va dire « Excusez, mais en ligne comme tout le monde. » Alors, le noir, il traite de raciste. Et ça, c'est fréquent. 2 personnes rentrent dans un taxi en même temps. Le premier qui donne son chemin